au fond près du radiateur sans suspension. Radioactif comme le nucléaire. On poule fonction. Chaque soir, chaque semaine, à chaque son. À chaque son. Tu veux mon nom? Au fond près du radiateur. Family bitch, yo. J'ai des sujets mais c'est pas ceux qu'ils aiment aborder. J'ai des projets mais ils font tout pour les aborder. J'ai des messages mais pas ceux qu'ils aiment véhiculer. Ok ok mon man, tous les mardis. On a des blagues mais c'est pas celles qui les font marrer. Everything I do gonna be funky. Au fond très sur radiateur.fr. Aux gens qui luttent de faire l'info. Mais grand gueule au fond près du radiateur. Quelle question tu veux que je te pose? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Step on and set control. De retour au fond près du radiateur. Tous les mardis 19h à 20h30 sur FPP 106.3 FM. Le vendredi matin, la rediff de 7h à 8h30. Et toujours faire attention aux flics, aux fafs. Voilà, ben on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra une fois de plus en essayant de faire notre propre info. 6.3 FM, poto. James, A-N-F-A-L-S-H, au fond près du radiateur. FPP 106.3. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond, près du radiateur 106.3 FM. Ce soir, une émission sur la base du militantisme, une émission sur laquelle on abordera de nombreux combats qui sont menés actuellement, qui nous reviennent jour après jour. Des gens sont ici ce soir avec nous parce qu'ils luttent tous les jours contre des inégalités, contre des maladies et contre tout un beau merdier social. Donc on a avec nous ce soir Robin et Marc-Antoine d'ACT UP. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et on a également avec nous Nathan du STRAS, donc le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Donc ce soir, comme je vous le disais, on va bavasser un petit peu tous ensemble. Hein. On est là pour 1h30 de direct, 1h30 de pur bonheur, 1h30 de pur plaisir et puis 1h30 de lutte, forcément. On va peut-être parler un petit peu du festival Snap qui avait lieu il y a une semaine, deux semaines, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça globalement. Ça s'est tenu au point éphémère. C'était un festival organisé par et pour les travailleuses du sexe. Et on a eu des projections, des événements, des performances notamment. Et qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu Ovidie notamment qui a projeté un film. C'était Là où les putains n'existent pas. Il y a eu ensuite... Martin Duss qui a fait le concert de fermeture et c'était quelque chose qui était assez conséquent pour la cause quoi. Donc, concrètement on arrivait à s'organiser et à montrer la visibilité qu'on aimerait exposer en fait, qu'on n'est pas toujours et tout le temps des femmes qui sont victimes de nous-mêmes et qu'on peut produire des créations artistiques, que quand on est travailleuse du sexe, on n'est pas uniquement travailleuse du sexe, on est artiste, on est... On est juste nous, quoi. Et je pense que c'était important de tenir ce genre d'événement. Et c'était la première fois que cet événement était mis en place, ou est-ce qu'il y avait une inspiration, un autre événement qui est fait habituellement par et pour les travailleuses du sexe? Dans ce type d'événement, c'était le premier qui s'est tenu à Paris, notamment Je disais oui, c'est le premier événement qui s'est tenu à Paris par et pour les travailleurs du sexe. Donc je pense que c'est comment dire la première pierre angulaire de la cause, on va dire. Et je pense que c'est vraiment encourageant pour nous toutes qui nous battons pour nos droits. Et est-ce que vous avez eu du coup des bons retours vis-à-vis de ça? Est-ce que c'était principalement des personnes concernées, plus ou moins proches, ou est-ce que justement vous avez eu des gens on va dire des curieux, entre guillemets, qui sont venus vous voir, puis avec lesquels vous avez pu échanger, peut-être. C'était quel type de public ? Alors, étrangement, on s'attendait à ce que ce soit exclusivement des travailleuses et des travailleurs du sexe qui seraient présents, mais on a eu une foule incroyable. C'était complet pendant les trois jours, même le dimanche. C'était assez surprenant à voir. Et comme tu le disais, ouais, il y a eu des curieux, notamment des personnes qui étaient concernées, des alliés et des personnes qui passaient juste et qui se sont dit bah pourquoi pas et qui ont fini par payer pour assister aux performances et pour échanger avec nous. Et donc ouais, c'est super intéressant de voir que ça avance dans le bon sens finalement. Et est-ce que du coup ce festival c'est quelque chose que vous comptez refaire? Est-ce que au contraire c'était juste une fois pour dire vous voyez on peut faire ça et puis on vous fera peut-être autre chose à un autre moment? C'est quoi les idées pour la suite de ce festival? Spoiler alerte, il y aura une réédition. Oh mon Dieu, on attend tous avec impatience ça. Il y avait ce week-end, en parallèle de cette manif des Gilets jaunes qui a mis Paris à feu et à sang, nous avions une manifestation pour les droits des femmes contre la violence faite aux femmes, qui était la manifestation Nous Toutes. Dont le mouvement Nous Aussi a pris la tête. Il me semble que vous y étiez présent. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de cette manifestation? Oui, à la base c'est du coup un mouvement qui s'est créé à l'appel d'organisations, on va dire, féministes un peu traditionnelles, type Oser le Féminisme, etc., qui se voulaient inclusifs, mais qui finalement ne l'étaient pas tant que ça. Du coup, un mouvement un peu contestataire s'est créé, Nous Aussi, qui du coup rassemblait un peu les personnes qui étaient exclues du coup de Nous Toutes, donc en particulier les personnes racisées, les personnes trans, les travailleurs et travailleuses du sexe. On va dire principalement là. Nous, en tant qu'Acte Paris, on s'est inscrit dans le mouvement Nous Aussi. On s'est inscrit à travers nos luttes à nous, donc lutte contre le sida. Avec cette idée que globalement, faire du féminisme sans parler de sida, c'est. Alors, le titre de notre acte, hein, c'est Marcher sur des cadavres. Bon, c'est un peu violent. Mais. Les femmes ont toujours été exclues de la lutte contre le sida sur beaucoup de choses différentes. Au début, parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas concernées. Et du coup, ça fait qu'elles ont été exclues des essais thérapeutiques, ce qui fait qu'elles ont été exclues de beaucoup de choses différentes. Et sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde l'épidémiologie au niveau mondial, et pas juste française, en fait, une majorité de personnes qui sont touchées par le VIH sont des femmes. Et du coup, avec une grosse difficulté d'organisation, en particulier dans les pays, on va dire Afrique subsaharienne, Afrique centrale. Et du coup, tu parlais, alors l'épidémie, on y reviendra un petit peu après, parce que je crois que vous avez eu récemment les chiffres du sida qui sont tombés. Mais tu parles d'une... Tu trouves le mot d'ordre qui était donné par ACT UP le jour de ce rassemblement un petit peu violent. Est-ce que finalement, il ne reflète pas la violence que subissent les femmes jour après jour dans la société? C'est toute la notion de la violence symbolique, hein, de toute façon. Donc oui, le mot d'ordre était violent et de toute façon, il est fait pour, parce qu'il est fait pour faire parler, il est fait pour éveiller un petit peu les consciences sur ces questions-là. Et donc oui, il était d'une violence tout à fait relative par rapport à la violence que les femmes, et même de façon générale, on prend dans la gueule tous les jours. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci de venir... Pour parler tout ça. On a Mouloud qui nous a rejoint entre-temps. Bonsoir Mouloud. Bonsoir. Et puis je suis très content qu'on puisse accueillir évidemment ACT UP, le STRAS, et puis on salue les collègues à la technique. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous l'avez compris, cette émission, elle va parler principalement d'ACT UP, principalement du STRAS, de leur lutte jour après jour. Mais ça, on va y revenir juste après une petite pause musicale. Second, if you wait. love making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler making my name. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur 106.3. On est toujours en compagnie de Nathan, Marc-Antoine, Robin et puis de Mouloud qui nous a rejoint. Encore bonsoir et puis toujours merci d'être là. On va peut-être en profiter du coup pour présenter les assos que vous représentez ce soir. Peut-être parler d'ACT UP Paris par le biais de Marc-Antoine, mais aussi Robin, tu pourras peut-être nous parler d'ACT UP Sud-Ouest, étant donné que tu en es un ancien président. Et puis, ancienne présidente. Et quelle présidente? Je vais peut-être vous laisser en parler directement. Qu'est-ce que c'est ACT UP? D'où ça vient? Qui sont ces gens, bordel? Qui sommes-nous? Alors, ACT UP Paris, c'est une association issue de la communauté LGBT et plus particulièrement de la communauté homosexuelle. Et c'est une association qui lutte contre le sida depuis 1989. À plusieurs reprises, on a été plus ou moins mis sur le devant de la scène. Il se trouve qu'en ce moment, on a été mis sur le devant de la scène avec 120 battements par minute. Donc ça nous a fait reconnaître un peu vis-à-vis de la nouvelle génération de militants et de militantes. Et c'est une association qui, on s'organise en RH, principalement. On tient nos RH à la GK, tous les jeudis, à 19h30. Sauf que le problème, c'est que RH, DRH, c'est un peu complexe. Ce n'est pas les ressources humaines. Non, alors la RH, c'est tout simplement la réunion hebdomadaire qu'on tient tous les jeudis, en ce moment, à la GK, 177 rue de Charonne. Exact, ouais. Et donc la vie de l'association s'organise autour de commissions, de représentants de commissions. C'est là où on s'occupe de tous les sujets, de tous les plaidoyers. Et voilà, donc il y en a un certain nombre et ça bouge bien. On pourra peut-être revenir après dessus. Et puis, ACT UP Sud-Ouest, c'est qui eux? Alors, pour compléter rapidement, on est sur les mêmes valeurs qu'ACT UP Paris. On a été créé en 91, du coup sur Toulouse principalement. La différence, je dirais, principale, c'est qu'elle ne se crée pas forcément dans la communauté LGBT à la base. Il y a une création qui se fait beaucoup autour du milieu rock'n'roll punk, donc oui. Beaucoup aussi avec un public, un public d'injecteurs qui est parfois un peu les oubliés, on va dire, et qui ont pourtant payé un lourd tribut à l'épidémie. Donc du coup, c'est vrai qu'on a les mêmes missions et on a les mêmes... On défend les mêmes causes, on ne les fait pas de la même façon. ACT UP Sud-Ouest ne fonctionne pas du tout de la même façon, ce n'est pas en commission, etc. On est beaucoup plus, on va dire, une association de terrain, beaucoup plus qu'une association de plaidoyer. Voilà, donc on est beaucoup plus dans les festivals, dans la prévention directe auprès des jeunes, auprès du public jeune beaucoup. Et pour des raisons aussi toutes simples, hein, c'est que on n'est pas à Paris et que Paris reste un centre de pouvoir et que donc du coup faire du plaidoyer politique, ça a du sens à Paris, ça en a beaucoup moins à Toulouse. Oui, évidemment. Et donc la parole que vous avez à Toulouse, à ton sens, elle n'est pas reconnue du coup auprès des institutions, c'est ça? Elle est reconnue sur des institutions régionales, ça c'est une réalité. Après, il est évident, mais parce que c'est lié aussi à l'histoire. Hein, ACT UP Paris a pris une place qui est énorme et qui lui est due, c'est pas la question. Mmh. Mais du coup, ACT UP Sud-Ouest a créé un milieu qui est beaucoup plus local et du coup qui va travailler sur quelque chose de beaucoup plus territorial. J'ai envie de te poser une question, si c'est possible. C'est comment ça se fait que tu as, en tout cas toi ou les autres, ont quand même repris, parce que c'est ACT UP Paris. Alors je sais qu'il y a plein de génériques comme ça. Et comment ça se fait que toi ou d'autres, alors je ne sais pas qui, a repris cette idée d'ACT UP, voilà. Qu'est-ce que ça renvoyait en fin de compte? Le pourquoi, non, je n'ai pas créé l'association, mais... Donc bon, il y avait cette idée d'urgence, hein, évidemment, urgence. Du coup, l'association se crée en 91, donc on est quand même dans les années bien noires de l'épidémie, et donc du coup une urgence d'interpeller le pouvoir public. Et je pense que c'est ce modèle-là qui a été choisi parce que du coup il y avait rien d'autre qui existait. En 91, il commençait à avoir ACT UP, commençait à avoir une certaine notoriété sur des choses où du coup il y avait des actions fortes qui avaient été faites. Et d'autant plus quand tu voulais travailler à l'époque sur le milieu des toxicos, parce que, alors, à l'époque du sida, bon, PD, toxico, etc., j'allais dire tous dans la même galère, oui et non. Les toxicos, globalement, la réception que tu avais quand tu étais toxico et séropo à l'hôpital, mais il valait encore mieux être PD, quoi, clairement. Oui. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait il y avait une vraie urgence, quoi, de prise en charge aussi, tout bêtement. Oui, et puis, stigmatisation criminelle aussi des personnes. C'est ça, qui a toujours lieu aujourd'hui. Hein, ça n'a pas trop changé sur la question. Exactement. Donc, voilà. Vous, aujourd'hui, finalement, vous évoluez conjointement? Est-ce que, enfin, vous travaillez ensemble? Est-ce que vous êtes complètement indépendant? Vous parliez de... Enfin, tu parlais, toi, de modes d'action un petit peu différents. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez ensemble? Est-ce que vous travaillez avec les autres ACT UP? Comment ça se passe? Ça se recrée, j'ai envie de dire. Bah oui, ça se recrée. Parce que, par exemple, pour Gardre, vous avez remis, pendant que tu y étais encore, à ACT UP Sud-Ouest, le fait qu'il y avait une pénurie de capotes dans le Sud. Grisé les 10 aussi en a parlé, mais ACT UP Sud-Ouest a surtout mis ça en avant. Donc c'était plutôt bien de mettre ces sujets-là en avant, de dire aux gens que ça va pas, qu'il y a encore des efforts à faire, qu'il y a encore des choses à consolider. Et quand il y a un réseau ACT UP aussi solide que le nôtre, on peut très bien déjà travailler ensemble, nous, et tendre ce travail-là, ce plaidoyer avec d'autres associations comme le STRAS, Accept ST... Voilà, et donc justement tu parles du STRAS, on a Nathan ce soir qui est avec nous, qui fait partie du STRAS. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Hello, comme dirait Hélène. Toi Nathan, tu représentes le STRAS ce soir. Le STRAS c'est quoi? Alors le STRAS c'est le syndicat des travailleurs et des travailleuses du sexe, et du coup là on va aller sur l'année 2019, ça va être nos 10 ans. Et donc concrètement, notre ligne politique, ça va être une dépénalisation totale du travail du sexe. On se bat pour obtenir plus de droits, faire comprendre à l'État et à toutes les personnes au final que notre réalité, elle est difficile aujourd'hui et qu'on aimerait faire changer les choses, que ce soit à l'aide de manifestations, d'accompagnement à la personne d'un point de vue plus individuel. Et concrètement, nos actions... si on fait un petit rapport avec l'actualité, ça va être rejoindre le cortège nous aussi. On nous a enfin donné la parole. Et quoi dire d'autre sur le STRAS? Ah oui, un point important, c'est que c'est pour et par les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe. Il faut être impérativement travailleur ou travailleuse du sexe pour y être intégré. Ça regroupe la notion de traditionnel, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans la rue, les escortes, les personnes qui travaillent en ligne, les actrices porno, les acteurs porno, les cam girls, cam boys et toutes les personnes qui sont amenées à travailler dans l'industrie du sexe. D'accord. Et donc, au STRAS, il faut être travailleur du sexe pour y être. Est-ce que pour être à ACT UP, il faut être séropo? Oula, oula. Alors là, c'est une bonne question, oui, parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Et c'est, j'ai envie de dire, une question historique, parce que c'est vrai que ACT UP a été créé par des PD séropo, et parce qu'ils étaient concernés. Et au début de l'association, il fallait dire, c'était voilà, une tradition de dire qu'on était PD séropo, même si on ne l'était pas. C'était une manière de dire et de s'approprier le virus, de dire voilà, on est aussi, on peut être séronègue et être solidaire de ceux qui ont été touchés par le virus. Et aujourd'hui, alors ça a un peu évolué parce qu'il y a des personnes séronègues qui peuvent très bien venir à ACT UP parce qu'ils se sentent concernés, parce qu'ils ont envie de militer, parce que ça touche tout le monde finalement. Il n'y a pas de catégorie sociale, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre. Je veux dire, on peut être tous à un moment donné porteurs du virus et se faire malheureusement avoir, ça peut arriver à tout le monde. Et aujourd'hui, on peut très bien dire qu'on est séronègue ACT UP Paris. Donc voilà. C'est quand même une parole qui est donnée majoritairement aux séropos, qui sont quand même mis en avant. Bien sûr, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que tu as détaillé, mais moi j'aime bien titiller puisque je te connais, qu'est-ce qui a fait qu'en fin de compte, ce modèle... J'ai l'air de discours à la première personne qui est « on est tous séropos ». Moi aussi, j'ai été membre, je suis encore membre d'ACT UP, un peu moins, mais bon, voilà. J'ai suivi un peu. La question, c'est qu'est-ce qui est plus opérant par rapport à ce discours de dire « je suis séropos ». Moi, effectivement, à un moment donné, je disais « je suis séropos », sauf que moi, j'ai senti une limite qui était « je ne veux pas mentir aussi aux gens plus ». Publiquement face, j'ai dire, à la répression à l'État voilà, de droit, ça s'entend, mais c'est vrai qu'individuellement, comme ça, en tout cas, moi, ça me gênait. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait est-ce que vous avez eu des réunions autour de ça? Parce que ça a été quelque chose d'extrêmement fort, important, comme discours. Puisque moi, quand je suis arrivé à ACT UP, c'était en 97, c'était toujours le même truc. Je venais de naître. Jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Donc même quand je suis parti la première fois, on était encore dans ce discours-là. Est-ce qu'il y a un truc qui a dit, bon là, on doit essayer d'évoluer sur cet aspect-là? Alors sur l'aspect, tu veux dire sur dire qu'on est séropo, oui. Même sans l'être. Ouais. Ben, je pense déjà, comme je l'ai dit, c'est une manière de s'approprier la maladie, de mettre des visages sur des personnes, sur des militants, sur des personnes qui se sentent concernées par ça. Ça évite de balancer à chaque fois des chiffres, d'aseptiser la lutte, de dire voilà, on va faire des rapports, on va écrire, machin. Là, c'est vraiment de dire... Voilà, nous sommes porteurs du virus, nous sommes séropos, et même si on ne l'est pas, eh ben on est solidaire de ceux qui sont porteurs du virus. On peut même dire à ACT UP qu'on est pute, qu'on est toxico, qu'on est black, qu'on est folle, qu'on est tout ce qu'on veut, même sans l'être. Quoi. C'est une manière d'être dans la communauté LGBT. C'est, j'ai envie de dire, c'est une espèce de tradition d'état d'esprit. C'est finalement une réappropriation de tout ce qu'on voit de mauvais dans la société, tout ce qui est stigmatisé dans la bien société, sûr, le fait d'être homo. Chez ACT UP, on n'est pas homo, on est PD, on n'est pas on lesbienne, est on est gwyn, on n'est pas TDS, on est pute. Et finalement, c'est un petit peu ça que vous essayez de transmettre, c'est le fait de dire... Bah, ils veulent nous juger, jugeons-nous nous-mêmes et on sera peut-être meilleurs juges. On est tout et puis on... Moi j'ai envie de dire aussi qu'on recycle l'insulte, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en prend tellement tous les jours des insultes qu'il faut l'apprendre et l'utiliser, la digérer, la rebalancer quand on nous attaque, quoi. C'est ACT UP, c'est une recyclerie d'insultes, hein, j'ai envie de dire. J'aurais ajouté même un... Il y a un très beau mot pour dire ça, mais c'est la réappropriation du stigmate. Oui, donc, voilà. Je pense que rentrer à ACT UP Paris, Sud-Ouest, on s'en fout, c'est accepter le fait, en fait que les gens vont te voir comme quelqu'un de séropo, comme les gens vont te voir comme quelqu'un de toxico, pute, etc., etc. Parce que c'est l'image que tu vas donner, parce que c'est l'image que les gens ont. des gens qui sont à ACT UP. Parce que c'est une donc, maladie en fait, même politique. Si aujourd'hui on peut dire que t'es Séroneg ou que t'es ce que tu veux ACT UP Paris, le reste de la société, parce que tu fais partie d'ACT UP, va estimer que tu fais partie de ces populations. Parce que les gens n'arrivent pas à s'imaginer dans leur tête en fait, que tu puisses globalement te battre pour des choses qui ne te concernent pas forcément. Mm-hmm. Ou du moins qui te concernent de loin. Et toi Nathan, par exemple, en étant au Stras, tu dis clairement que tu es TDS. Quelles sont les réactions que tu peux avoir finalement des gens? Ça va dépendre des sphères dans lesquelles je m'exprime. Généralement, je dis que je suis une pute, une maigre pute, et voilà, ce genre de réaction. C'est ça. Quand on est dans des sphères, on va dire safe, c'est des réactions d'empowerment. Alors que quand on va être dans des sphères un peu hostiles, que ce soit dans les espaces publics avec des personnes qu'on ne connaît pas, ça peut tourner très mal ou entraîner des agressions, ce genre de choses. Et tu parles de choses qui tournent mal. Toi, récemment, tu avais mis une vidéo sur Twitter, une vidéo d'une agression que tu subissais dans la rue à 5h du mat, pensant être tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé à ces gens-là? Parce qu'on a remarqué que tu avais pas mal répondu. Tu leur as fait fermer leur clap merde. Et c'était assez incroyable. Mais le discours qu'ils tiennent aussi est assez incroyable. Et assez, on voit qu'ils manquent de connaissances face à finalement ce que sont les TDS. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Alors concrètement, j'étais à une petite soirée au Petit Bain, j'avais littéralement 4 grammes dans le sang, je ressors, je me dis « Oh génial, je suis trop bien !» Et puis là, il y a 4 types qui débarquent et qui commencent à me dire « Ouais, espèce de gros bâtard !» Je me retourne, je me dis « Mais attends, comment ça tu me manques de respect là ?» Et donc ça dégénère, et je leur rabats leur clap-merde, comme tu dis, et je me fais pour m'en aller, sauf qu'il y en a un qui me suivait et qui me dit « Oui, mais c'est pas normal, tu devrais pas être comme ça, t'es qu'une grosse salope !» Parce que t'étais comment? Ouais, j'ai oublié qu'on ne me voit pas, mais je suis flamboyante. je porte toujours des talons, j'aime pas être à plat, il faut que je prenne de la hauteur tout le temps. Ouais, en même temps, les ballerines, c'est moche. Oui. Et du coup, oui, quand ils voient une personne qui a une expression de genre féminine, mais qu'on peut voir que je n'ai pas de passing, c'est-à-dire que je ressemble littéralement à un mec, ça pose un problème pour ces personnes-là. Et donc, ça a engendré des violences. L'intersection de la transphobie et de la putophobie, parce que très vite, quelqu'un m'a traité de salope et m'a menacé de niquer ma mère. Donc je lui ai dit « Excuse-moi, mets les bons mots si tu veux m'insulter, je suis une pute, moi. » Et donc là, on a remarqué que son discours changeait. Il me dit « Oui, non, t'es une salope. » Je dis « Non, non, chaton, moi, je ne baisse pas gratuitement, je fais des prestations sexuelles tarifées, je suis une pute. » Et donc ça l'a déstabilisé totalement, il ne savait plus quoi dire. Donc ensuite, je lui ai souhaité de s'en aller, et j'ai traité de cloporte, ce qui était assez drôle. Avec 4 grammes, on devient très inspiré. Et donc, je pense qu'il y a une vraie haine envers nous, qu'on soit une personne trans, qu'on soit une femme, qu'on soit même... juste travailleur du sexe ou travailleuse du sexe et qu'on l'évoque publiquement, les réactions après quand j'ai posté cette vidéo, ça a été de me mettre en tant qu'agresseur en fait, parce qu'une bonne victime ferme sa gueule concrètement. Et donc moi, comme je suis sorti de cette case là, je suis passé de l'autre côté aux yeux des autres, et le fait que je réclame l'insulte pute comme mon identité, ça les a tous et toutes mises dans la merde concrètement. Donc finalement, le fait d'avoir osé parler, là, cette fois, ça s'est retourné contre toi, quoi. Comme toutes ces femmes qui portent plainte pour des violences, c'était de leur faute, ou les femmes qui sont violées, elles avaient qu'à porter une robe plus longue, ou même porter un jogging, un truc bien moche. finalement, c'est quelque chose que vous subissez régulièrement. Ouais. C'est des violences qui s'inscrivent... Les violences systémiques, on pourrait dire. Ouais, totalement. Ça fait partie de mon quotidien. Quand je sors de chez moi, je me dis, mais attends, t'es sûr que tu vas être comme ça? Du coup, je me mets toujours au top de ma forme. Comme ça, je sais que s'il me fait tabasser la gueule à mort, le médecin légiste aura un beau cadavre devant lui. Je pense que je suis altruiste quand même. Et donc... C'est à la fois drôle et à la fois... on voit bien une stratégie pour essayer de supporter l'insupportable, quoi. Ouais, totalement. Donc, et je trouve que c'est assez étonnant qu'après... que tu aies mis cette vidéo, si j'ai bien compris, tu as eu des réactions extrêmement négatives, parce qu'en fin de compte, tu as présenté, au lieu d'être victime, ce qui n'est pas évident de pouvoir répondre, de pouvoir avoir ce courage, non, cette humanité pour essayer de dire tu ne peux pas me casser, et que la réaction à froid est quelque chose qui est totalement l'inverse. J'imagine que si tu l'as mis en ligne, c'est pour aussi montrer comment on peut subir et comment peut-être aussi on peut trouver des solutions. C'est un peu comme l'aïkido ou des arts martiaux. Il faut trouver du possible et éviter le coup, quoi. Ouais, totalement. Je pense que moi, ma ligne de vie, c'est de toujours répondre constamment. Mais dans la société actuelle, c'est hyper dangereux. Je sais qu'à chaque fois que j'ouvre ma gueule face à quelqu'un, je risque de me faire défoncer la gueule. Et j'aime bien ma gueule, c'est mon outil de travail. Ce qui serait vraiment dommage, parce qu'en plus, si je me fais défoncer les dents, je pourrais plus me faire de clients. Et j'ai pas de capacité d'avoir le chômage, parce qu'on n'est pas reconnu comme profession. Mais je digresse. Et ouais, je pense qu'à chaque fois qu'on s'expose... et qu'on s'affirme dans notre identité propre, bah on est victime de la part de la société de regards, d'insultes et de coups. Et le fait d'ouvrir sa gueule concrètement, ça crée un choc, parce que quand tu es une victime, bah tu peux pas ouvrir ta gueule, parce que tu es censé rester la bonne victime, comme j'évoquais tout à l'heure, et la bonne victime ne répond pas, en fait. La bonne victime baisse les yeux, trace sa route et accepte d'être les toilettes de la terre, en fait. Et non, moi, il n'y a plus moyen de faire ça, je déborde là, je suis bouché. Et c'est un instant glamour autour de cette table. J'espère que ça vous a fait du bien à entendre. Il me semble que tu avais interpellé une personnalité publique quand tu as mis ce tweet. Est-ce qu'elle t'a répondu ? Non, bah, comme d'habitude, on va peut-être la nommer Anne Hidalgo. Et je pense que cette personne a d'autres priorités. Et je pense que ça a toujours été comme ça. Elle hiérarchise les luttes, alors que pour moi, je pense que. On ne devrait pas faire ce genre de choses. Je pense que toutes les luttes sont à même échelle. Et le fait est qu'elle prétend que Paris est une ville safe pour toutes les personnes LGBTQI+. Et les vagues d'agressions récentes démontrent bien le contraire. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé à devoir prendre le risque de répondre, de filmer ces agressions, de les poster sur les réseaux sociaux, se faire insulter sur les réseaux sociaux pour au final n'avoir aucune réponse et aucune réaction qui pourrait engranger un nouveau changement positif concrètement. Donc oui, Anne Hidalgo... Dégage. Merci beaucoup. On se retrouve après une petite pause musicale. On reviendra, on reviendra sur un sujet politique pour vous, qui est la QPC que vous présentez en ce moment. Oui, oui, oui. À tout de suite. êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur 106.3 FM. On est toujours en compagnie de nos chers invités d'ACTUB, du Stras et puis de Mouloud, qui est toujours là avec nous. Bonsoir Mouloud. Ben, bonsoir tout le monde, et puis bonsoir à nos invités, et bonsoir à la technique, parce que c'est important aussi de ne pas les oublier. Non, on les oublie pas. Ils se sont mis dans le noir ce soir. Voilà, ils ont éteint la lumière, on ne sait pas pourquoi. Ils se sont fait un petit délire, mais c'est pas grave. On voit quand même qu'ils sont là, qu'ils sont beaux et qu'ils sont efficaces. Puis c'est tout ce qu'on leur demande d'ailleurs, être beaux et efficaces. Donc on va revenir peut-être au sujet qui nous intéresse, ce sujet brûlant. On va parler de la QPC, dans laquelle s'est inscrite le Stras récemment. Nathan, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est déjà qu'une QPC et puis qu'est-ce que c'est que cette QPC ? Alors la QPC en question, c'est une question prioritaire constitutionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, on a déposé ça suite pour réévaluer la loi de pénalisation des clients parue en 2016, qui consistait à pénaliser littéralement les clients, c'est-à-dire qu'ils sont sujets de prendre une amende, et s'il y a récidive, cette amende peut s'élever jusqu'à 3 750 €, ce qui a inversé en fait les rapports de force. Et elle vient d'où cette QPC du coup c'était pas un gouvernement socialiste à ce moment-là Ouh, shady. Ouais. Et du coup, cette loi a été passée parce que je pense que peu importe les partis qui existent aujourd'hui, socialistes ou non, on va tous les mettre dans le même sachet quand il s'agit de prostitution. Aucun n'a une position qui est pro-sex work. Concrètement, c'est tout, soit des abolitionnistes, soit des réglementaristes. Donc, il n'y a rien qui nous convient. Et donc, aujourd'hui, je pense que cette QPC, en réponse à la pénalisation des clients, qui a été signée, du coup, l'appel par le Stras, Médecins du Monde, AIDS, et notamment ACT UP et d'autres associations, va permettre de réévaluer. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel et va être transmise au Conseil d'État, et qui va être évaluée pendant 3 mois. Et on espère que ça va faire... aboutir sur une abrogation de la loi. Et donc là, elle est déjà passée devant le Conseil d'État, si je comprends bien. C'était quoi ? C'était juste un petit examen, comme ça, un examen de routine. Ils regardent les paperasses, ils parlent, et puis on se dit on se revoit plus tard. Ou est-ce que c'est déjà un premier point gagné pour vous ? Comment vous le sentez, finalement ? Je pense que c'est un premier point de gagné, parce que, bon, même si on doit toujours être soumis à un examen de pertinence, ils doivent juger pertinent notre requête... alors que cette requête va influencer littéralement notre vie sur le territoire français, en l'occurrence. Et je pense que maintenant qu'elle a été jugée comme pertinente, ça nous permet d'avoir encore plus d'espoir sur l'aboutissement de celle-ci. Parce que... Tu peux nous rappeler c'est quel cours exactement, ça ? Parce que j'ai pas suivi. C'est quand tu fais ce truc-là de re-questionner la loi, c'est quel cours qui juge ça ? Quel cours au niveau... En termes juridiques. C'est le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État, voilà. Mais c'est important de le savoir parce que, enfin, nous, on ne juge pas la loi, mais on juge sur le fond exactement, un truc comme ça, c'est ça ? En fait, il y a les deux qui vont être liés, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, et globalement. En fait, l'idée, c'est de voir si la loi est constitutionnelle, si elle répond bien à la Constitution, et s'il n'y a pas un truc qui a été bâclé et tout ça, et la loi est... En fait, remise en question là-dessus. Et cette loi, finalement, qu'est-ce qu'elle a créé pour les travailleurs et les travailleuses du sexe ? Elle a renforcé la précarité, c'est-à-dire que maintenant que ce sont les clients qui sont jugés comme délinquants, ils vont, comment dire ça, de façon lisse, ils vont littéralement nous exploiter, nous demander d'aller dans des lieux qui sont hyper reculés pour ne pas se faire attraper par les flics. Ils vont avoir... également être lié à ce qui va être les épidémies, parce que ils vont demander le retrait de la capote, parce que ils pensent que comme ils sont pénalisés, on doit faire un effort pour eux et ce genre de choses. Donc ouais, concrètement ça aggrave nos conditions de travail et c'est un vrai merdier. Et est-ce que du coup tous les TDS ont fait ce constat ? Est-ce que c'est juste dans certains coins, ou est-ce que c'est juste, je sais pas, les TDS du bois ? Est-ce que c'est des escortes aussi qui font ce constat-là ? Des choses un peu plus complexes ? Ça se vérifie sur tous les plans, en fait, parce que récemment, notamment en 2018, il y a eu la loi Siesta Fosta par Donald Trump qui a, en fait, coupé les sites d'annonces qui étaient hébergés aux États-Unis, qu'en France, on utilisait aussi, notamment Craigslist et Vivastreet, ce qui fait que beaucoup d'escortes ont dû se rendre sur le terrain, ce qui fait qu'au final, ça nous affecte tous aujourd'hui. Et donc, ouais, on est toutes précarisées, et je pense que c'est important de montrer un front uni dans ces cas-là. Et quand on voit que... des mairies, notamment celle de Paris, font passer des arrêtés municipaux, encore une fois Hidalgo, pour shame, font passer des arrêtés municipaux pour pénaliser et pour mettre des contraventions aux personnes qui stationnent, notamment les travailleurs du sexe qui travaillent dans les camionnettes pour éviter justement de travailler dans le sous-bois et s'exposer aux agressions. Et bien ces personnes-là vont être régularisées, on va dire, on leur met un ticket, ils doivent payer 60 euros, donc finalement c'est juste du proxénétisme d'État. Et vous, avec le STRAS, du coup, qu'est-ce que vous faites pour aider ces travailleurs et travailleuses du sexe ? Est-ce que vous avez une permanence qui est mise en place ? Est-ce que vous avez, vous faites du plaidoyer, du coup, je suppose, vous agissez comment ? Alors, comment on agit ? En fait, on a justement la permanence dont tu parlais tout à l'heure, qui est tenue le lundi au boulevard Barbès 39, dans les locaux d'AcceptST, et on accompagne les personnes qui viennent pour soit contester un PV, soit pour nous demander des conseils suite à une agression, on les accompagne juridiquement, et aussi, notamment avec la QPC, on s'organise entre diverses associations pour faire changer les lois qui sont mortelles et meurtrières contre nous. Et du coup, est-ce que vous aidez aussi... Je suppose qu'il y a des travailleurs et travailleuses du sexe qui sont étrangers ou étrangères. Est-ce que vous les aidez dans des papiers ? Est-ce que vous les aidez, sur un aspect administratif ? Est-ce que vous êtes en lien avec peut-être d'autres associations pour des cours de langue ou des choses comme ça ? Qu'est-ce que vous faites, on va dire, plus personnellement pour aider des personnes qui viendraient d'arriver en France et qui sont peut-être un peu dépassées par tout ce qu'ils voient ? En l'occurrence, comme on est dans les locaux d'AcceptST, on fait beaucoup de travail main dans la main, et ce qui fait qu'on a beaucoup de TDS qui sont migrantes et du coup qui viennent dans les locaux pour se documenter et pour essayer de trouver des moyens d'obtenir des titres de séjour et ce genre de choses. Donc ouais, on fait beaucoup d'accompagnement personnel et tout ce qui va être de l'ordre des démarches, on va dire, plus administratives et plus à la personne, donc cas par cas, ça se fait du coup le lundi, et tout ce que je fais, moi, à titre personnel, dans la permanence, c'est l'accompagnement pour les déclarations des impôts, comment faire pour se protéger et du coup essayer de faire de temps en temps des maraudes pour sensibiliser les personnes et essayer de les protéger le plus possible. Il y avait récemment aussi, il me semble que vous faisiez des cours de self-défense qui avaient été proposés. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites régulièrement ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être fait régulièrement ? Est-ce que finalement, les personnes qui ont participé à cet atelier de self-défense, qu'est-ce qu'elles en ont retenu ? Alors, toutes les personnes qui ont participé ont eu un bon retour, parce que c'est un bon moyen d'être... du coup, je vais réutiliser le terme « empowered », mais de façon explicite. Cette fois-ci, en gros, ça va nous donner plus de confiance en nous et réapproprier nos luttes. Et donc, je pense que... Grâce à Pécha, qui est l'organisatrice du SWAG, c'est-à-dire le cours de self-défense et d'autodéfense pute, c'est en non-mixité, et en fait ça va permettre de libérer la parole, de sentir plus en sécurité, et de prévoir les situations à risque, comment s'en défaire, et comment réagir dans le cas où l'agression est inévitable. Et je pense que c'est un bon moyen, même si on ne devrait pas avoir le faire concrètement, on est obligé de créer notre propre filet de sécurité au final, et je pense que ça reflète bien l'état actuel misérable du système. Parce que finalement, vous n'êtes pas défendu par ceux qui devraient vous défendre. Exactement, ils viennent mettre des PV à nos clients et à nous-mêmes au lieu de juste de dégager ou de nous encadrer et de recevoir nos plaintes quand on les fait sans accuser tout notre entourage de proxénétisme. La police. Bouh. Act Up également, vous soutenez cette QPC, Qu'est-ce qui fait que finalement vous rentrez dans le cadre de cette QPC ? Pourquoi vous la soutenez ? Alors pour plein de raisons différentes, il est évident que... alors déjà, dans la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe ont toujours été une population clé dans la question de la lutte contre le sida. Et la pénalisation des clients, comme avant la question du délit de racolage passif, on a changé de paradigme. Donc avant... On pénalisait les travailleurs et travailleuses du sexe, maintenant on pénalise les clients. Mais c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet quoi, dans cette histoire. Donc comme Nathan le disait, en effet, il y a une question de négociation déjà de préservatif. C'est-à-dire qu'on a beau pénaliser le client, en fait, une pute a toujours des factures à payer à la fin du mois. Et t'as toujours besoin de faire de l'argent. Et donc, y a un moment, en fait, quand t'arrives en fin de mois et que tu vois que t'as pas de fric, tu vas accepter les rapports à risque. Tu vas accepter les rapports à risque, t'as quand même besoin de bouffer. C'est la précarité, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, des études internationales qui sont sorties et qui sont appuyées par l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, ou l'ONU SIDA, qui est l'organisme de l'ONU traitant sur les questions de SIDA, ont démontré complètement et parfaitement que la pénalisation, dans un sens comme dans un autre, accentuait l'épidémie. Et donc, du coup, revendiquer le fait que les putes ont besoin de s'auto-organiser pour pouvoir se défendre elles-mêmes. Je rajouterai un dernier point que même si, du coup, les travailleurs et travailleuses du sexe font partie des populations clés du VIH, c'est aussi une des populations clés les plus informées sur les questions du VIH et des IST. Et ce sont les personnes qui sont le plus à même de prendre en charge leur propre sécurité au niveau, du moins, santé sexuelle. Sauf si, du coup, on les pénalise et que, donc, du coup, on les isole aussi énormément. Le communautaire est important. Et donc, du coup, Robin, tu parlais d'instances internationales comme l'ONU-SIDA. Ces instances-là, elles sont en faveur, finalement, des TDS. Elles vont dans leur sens hein, en disant que la prostitution n'a pas à être réprimée. Est-ce qu'il y a quand même quelques politiciens, peut-être en France, quelques instances en France qui vont dans votre sens et qui vont peut-être vous permettre d'avancer ensemble, ou est-ce que au contraire vous êtes vraiment seul face au grand système? Je pense qu'il y a de très maigres supports, même s'ils sont présents. Je pense que plus on est, mieux c'est. Et en l'occurrence, comme tu as dit précédemment, les organismes médicaux axés sur la santé sont hyper pertinents, parce que dès qu'on fait des recherches, on se rend compte qu'en fait, c'est pas le travail du sexe qui est un vecteur de contamination. En fait, c'est le contexte dans lequel il est pratiqué. Plus le travail du sexe va être pénalisé et entravé, plus ça va engendrer des contaminations. Et on a beau être consciente, on a beau s'organiser entre nous, à un moment donné, comme tu le disais, faut qu'on bouffe, donc on va être forcé d'accepter des prestations qui vont être sujettes à risque de contamination. Et du coup là, on aborde beaucoup du coup la question des contaminations, donc VIH, VHC et d'autres IST hein, qu'il faut pas oublier. Il me semble que récemment il y a des chiffres qui sont tombés. Malheureusement, ce ne sont pas les bons chiffres de l'Euromillion, c'est dommage. C'est les chiffres du SIDA 2017. Oui. Qu'est-ce que disent ces chiffres? La grande messe de santé publique française hier. Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. On est comme depuis 10 ans à 6000 contaminations par an. On est comme depuis 10 ans à 45%, c'est toujours entre 40 et 45% des nouvelles infections qui sont dans la population homosexuelle. Entre 30 et 40% qui sont donc dans la population migrante. Voilà. Avec une petite précision que je trouve toujours importante de faire dans la population migrante. On a une étude qui est sortie il y a 2 ans maintenant qui démontre que entre 30 et 40% de ces personnes contaminées se sont contaminées sur le territoire français et ne sont pas arrivées malades en France. C'est important sur les questions de représentation raciste que les gens peuvent avoir. Voilà, c'est les chiffres importants. Il y a Le chiffre le plus important, je pense, qu'il y a à retenir de cette sortie épidémiologique qu'il y a eu hier, c'est la question du dépistage. Le délai moyen entre la personne qui se contamine et qui se fait diagnostiquer au VIH est d'environ 3 ans et demi. Et du coup, c'est 3 ans et demi de trop, de base, où en plus les personnes sont contaminantes et donc peuvent contaminer. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'une mise sous traitement permet à la personne séropo d'être indétectable et donc de ne pas être contaminante. Et donc du coup, il y a vraiment un besoin absolu de renforcer au maximum le dépistage, en particulier dans les populations dites clés du VIH, donc les personnes migrantes, les personnes homosexuelles, etc., etc. Voilà, je pense que c'est l'information importante à retenir de cette épidémiologie. Et du coup, il y a ce délai, moi, qui me paraît assez incroyable, hein, plus de 3 ans en moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont bien au-dessus hein, dans ce cas-là. C'est quoi le délai conseillé pour faire un dépistage? Il faut faire un dépistage tous les combien de temps? Alors, on a diverses recommandations. Quand on fait partie de populations clés, donc, on estime que globalement, c'est bien d'avoir environ un dépistage tous les 3 mois, donc 4 par an. Encore faut-il pouvoir accéder au dépistage, encore faut-il y être informé, etc., etc. Et encore faut-il, et je pense que c'est le point principal aussi où ça peut bloquer, qu'on ait en face de nous des professionnels de santé, des personnels soignants, qui soient inclusifs, qui ne soient pas dans le jugement, à qui on peut parler de notre sexualité, de notre consommation de produits, de notre activité professionnelle. Et actuellement, on n'en est pas là du tout. Et est-ce que vous avez quelque chose à conseiller à des gens qui pourraient avoir éventuellement un rapport à risque, un rapport, je sais pas, un préservatif qui craque ou pas de préservatif, je sais pas, de l'alcool ou tout simplement un rapport sous la contrainte, parce qu'il faut l'évoquer aussi. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à une personne qui est dans cette situation ou une situation dite à risque de manière générale? Je pense qu'il y a deux façons de l'envisager. Alors, sur un rapport à risque qui intervient alors que du coup on pensait être protégé, genre une capote ou etc. etc. Donc il y a toujours une possibilité de faire un traitement post-exposition dans les 48 heures aux urgences, idéalement dans les 4 heures. Le mieux du mieux, c'est d'y amener le partenaire avec qui ça s'est passé, ce qui n'est pas toujours d'une grande évidence. C'est un traitement qui dure 28 jours, qui est une trithérapie classique qui est donnée aux personnes séropos, en fait, qui est donnée par une personne infectiologue, donc spécialiste de la question, et qui, globalement, fonctionne plutôt très bien. L'autre possibilité aussi, c'est d'avoir analysé soi-même sa santé sexuelle, ce qui n'est pas toujours forcément évident, et d'avoir analysé de est-ce que je prends des risques ou pas, et quand est-ce que j'en prends. Aujourd'hui, on a un traitement qui s'appelle la PrEP, qui veut dire prophylaxie pré-exposition, qui permet, si on se rend compte qu'on est dans une situation souvent à risque, de pouvoir au moins limiter l'infection VIH. Pas les autres IST, mais il faut dire quand même que les autres IST se soignent globalement. J'ajouterai un point aussi important. Il faut jamais oublier que, et en particulier, je parle de la communauté gay pour le coup, il y a une espèce d'épée de Damoclès du sida qui te traîne un peu au-dessus du crâne quand t'apprends que t'es pédé, parce que c'est la seule chose qu'on t'apprend en fait dans ta sexualité, c'est attention, quand tu vas baiser, tu vas attraper le sida. Et la PrEP a aussi permis justement à toute une communauté de pouvoir s'enlever de ce truc-là, même si en fait c'est des personnes qui prenaient extrêmement soin de leur prévention. Mais voilà, de se dire, ça y est, en fait, je peux peut-être pouvoir baiser en fait sans avoir à me mettre dans le crâne que je vais attraper le sida si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe. Bien. Bah écoute, je pense que c'est important de faire un petit rappel comme ça, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes ou des personnes moins jeunes hein, d'ailleurs, qui ne savent pas ce qu'est la prévention, comment ça fonctionne. Là, il y a Top qui va lancer bientôt tout un tas d'événements d'ailleurs, c'est bientôt les 30 ans d'ACT UP Paris. Bah, c'est demain. Je vais pas vous souhaiter bon anniversaire, vous m'excuserez. Hein, mais je pense qu'on va en reparler juste après une petite pause musicale et puis on reviendra là-dessus. À tout de suite. Hey. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond, près du radiateur 106.3 FM. On évoque depuis tout à l'heure la thématique du sida, la thématique du travail, du sexe. Je crois qu'il y a un petit événement là, qui arrive bientôt pour le sida. Je crois qu'il y a un truc pas très intéressant, les gens s'en foutent de toute façon. Mais écoutez, hein, là vraiment c'est pour vous qu'on parle. Il me semble qu'il y a le 1er décembre. Alors le 1er décembre, c'est une journée où va y avoir pas mal de, enfin il y a pas mal d'appels à manifester, des appels à manifester qui viennent d'un peu partout, qui sont ont tous une légitimité. Hein. Après c'est pas à nous d'en débattre. Ça va des gilets jaunes à la CGT, en passant par les chômeurs. Il y a également le collectif Rosa Parks qui appelle à manifester. Donc Rosa Parks, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu, nous dire ce que c'est. Alors, avant tout, c'est qui Rosa Parks, c'est une figure emblématique et symbolique de la lutte pour l'émancipation des droits civiques aux États-Unis, qui est connue pour être une des personnes qui, à l'époque où il y avait une ségrégation dans les bus, pour s'être assis à la place qui était supposée être réservée aux Blancs. Et du coup, cette année, elle a fait cette action-là symbolique le 1er décembre. Cette année, du coup, globalement, il y a un collectif qui s'est monté, qui appelle en fait à une grève des personnes racisées le 30 novembre, et du coup à une réapparition de ces personnes-là en manif le 1er décembre. Voilà, donc ça c'est d'où ça vient. Nous, au niveau d'ACT UP, ce qu'on a regardé, c'est que le 1er décembre, bon, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Et du coup, on s'est dit, bon, plutôt que de faire boubou, vous faites chier, d'organiser ça le même jour que nous, on s'est dit que ça pourrait être peut-être un peu plus intéressant d'aller vers eux et de pouvoir travailler ensemble. Et ce qui a réussi à se faire, donc Rosa Parks fait une manif qui part à 14h de Nation, qui va arriver à République. Et du coup, on fait un croisement à ce moment-là, pour parler, des questions, des problématiques de VIH chez les personnes racisées, qui sont un vrai problème. On l'a dit tout à l'heure, hein, 38% des contaminations chez les personnes migrantes, mais on n'a pas plus d'affinité. On n'a pas plus d'affinage que ça en France, parce qu'on a un grand malheur qui est que les statistiques ethniques ne sont pas autorisées, parce que nous sommes dans une république universaliste citoyenne, mon cul. Par contre, là on prend où il y a des statistiques ethniques qui existent, et je pense aux États-Unis en particulier. Par exemple, un mec pédé afro-descendant a 6 fois plus de risques de contracter le VIH qu'une personne blanche, donc c'est quand même pas rien. Et il n'y a aucune raison pour que cette différence n'existe pas en France aussi, sauf que nous avons un gouvernement de blanco qui nous dit qu'on n'a pas le droit de regarder ça. Donc, du coup, tu parlais d'une manifestation organisée par ACT UP dans le cadre du 1er décembre, donc la Journée internationale de lutte contre le sida. Cette manifestation, comment qu'elle s'appelle, cette manifestation ? Comment qu'elle s'intitule ? Comment qu'elle s'appelle ? On a fait une équation, comme on fait d'habitude. Donc, discrimination plus répression égale contamination. C'est le slogan. Et donc c'est la manifestation du 1er décembre est souvent organisée à l'appel d'ACT UP Paris. Donc après, toutes les associations viennent signer notre appel et se joignent à nous pour le 1er décembre, viennent manifester avec nous. Donc cette année, c'est une manifestation qui partira à 17h place de la République et qui prendra fin vers Stalingrad, parce qu'à Stalingrad, nous organisons aussi une exposition au point éphémère. Qui se terminera le 20 décembre. Et donc, ce sera l'occasion de faire aussi ce qui n'a pratiquement plus été fait chez ACT UP, qui est de faire un lien entre art et activisme, donc de mettre en lumière des personnes qui ont produit des choses, à la fois des personnes vivantes, mais aussi des personnes décédées. Et la plupart du temps, ce sont des familles, des amis, des amantes, des amants, des frères, des sœurs qui conservent des choses chez eux. Et ça nous semblait important de mettre en lumière tout ce travail-là, qui est complètement oublié, parce qu'on parle de Keith Haring, on parle de Freddie Mercury, on parle de Robert Mapplethorpe, on parle d'un tas de gens qui sont morts du sida, mais qui sont célébrés dans le monde entier. Mais il y a aussi des anonymes qui ont produit des collages, des photos, des musiques, des vidéos, un tas de choses intéressantes. Et ça nous semblait important de faire cette jonction entre art et activisme, voilà, dans le cadre aussi des 30 ans. Du coup, parce qu'on a choisi de commencer les 30 ans d'ACT UP avec ce 1er décembre 2018, et ça se terminera le 1er décembre 2019. Et dans ce temps-là, on fera plusieurs événements, des collaborations, des interventions, il y aura des sollicitations aussi sûrement, et ce sera l'occasion de parler du sida, d'informer les gens sous diverses formes, parce que ça nous semble important aussi de parler de culture dans le militantisme. Et donc du coup, cette exposition, je crois qu'elle s'appelle Transmission, c'est ça ? Oui, c'est ça. Transmission au pluriel. Alors oui, au pluriel avec un S entre parenthèses. C'était, voilà. C'était quoi l'idée finalement avec ce nom ? C'était, qu'est-ce que vous transmettez ? Alors l'idée, c'est de jouer sur les deux sens qu'a ce mot transmission. Donc transmission à la fois du virus, parce qu'il y a toujours des transmissions du virus du sida, donc avec un point de vue santé et sociologique, mais une transmission aussi de la culture, une transmission du savoir, une transmission de ce que c'est d'être porteur du virus du sida, qu'est-ce que ça produit sur la culture, qu'est-ce que ça produit sur l'art aussi, parce que ça remet en question énormément de choses. Ça remet en question la représentation du corps, ça remet en question la représentation sociale, ça remet en question les formes, les supports, le sens aussi de ce qu'on veut montrer. Et voilà, ça nous semblait important de mettre tout ça en lumière au Point Éphémère, qui est un lieu militant qui a accueilli, comme on l'a dit tout à l'heure, le SNAP Festival. Et on occupera ce lieu aussi pour faire une répit le 6 décembre et d'autres petits moments aussi qui viendront s'ajouter. Alors peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent ce qu'est une répit. Oui, alors la répit, c'est la réunion publique d'information. Donc ACT UP Paris en a organisé un sacré paquet. C'est la 106e. C'est la 106e. Et donc cette année, on fait une répit sur la criminalisation du sida dans le monde. Donc l'accès au traitement, les personnes qui voyagent, qui entrent sur des territoires, sur comment sont perçus les traitements aussi. Voilà, donc Robin me compte. Voilà, je vais compléter parce que c'est rapidement, lui qui... c'est moi qui organise. Voilà. Et surtout que ça rejoint plutôt bien, en fait, l'exposition. Parce qu'en fait, on va être vraiment sur la question de la pénalisation de la transmission du VIH, qui est une vraie problématique actuellement. Et d'ailleurs, qui concerne quasiment que le VIH, hein, quand on regarde toutes les autres maladies. Ça veut dire quoi ? C'est que globalement, dans quasiment tous les pays du monde, il y a des législations spécifiques ou non de pénalisation de la transmission. Donc, si on prend la France, par exemple, il n'y a pas de législation spécifique dans la transmission de la séropositivité. Mais par contre, on peut être accusé, et on a eu des procès avec des déclarés coupables, sous une législation qui s'appelle l'administration de substances nuisibles. Voilà. Ça pose plein de questions, cette question de la pénalisation de la transmission, parce que du coup, si on pénalise la transmission, les gens prennent peur, parce que du coup, tu vas pas te faire dépister. C'est plus simple, en fait. Si tu ne sais pas que tu es porteur, tu ne peux pas être pénalisé d'une transmission que tu ne connais pas. Donc du coup, ça va contraire à toute idée même de santé publique. Voilà, du coup, on trouvait ça vraiment important de travailler un peu sur cette question-là. Et donc, cette réunion, elle est publique, elle est ouverte à tous. Mmh. Elle se fait quand ? Elle se fait à quelle heure ? Alors, ça sera le 6 décembre. Voilà, d'accord. On peut accueillir un tas de monde dans l'espace du Point Éphémère, parce que du coup, on va l'organiser dans l'espace d'exposition pour ancrer aussi cette répit dans, dans ce temps-là qui célèbre et qui met en avant la transmission. Et voilà, tout le monde peut venir, tout le monde peut poser ses questions, tout le monde peut s'informer, tout le monde peut venir nous parler, rencontrer des militants d'ACT UP, et même les intervenants aussi qui seront là. C'est à 19h du coup. Voilà. Et du coup, c'est aussi privilégié, si je comprends bien, un temps d'échange. Bien sûr. Avec des personnes, qu'elles soient militantes ou qu'elles soient, qu'elles soient tout simplement curieuses, qu'elles soient alliées à cette lutte. Voilà. C'est tout simplement de l'éducation populaire, finalement. C'est ça parce que la répit, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure avec... avec Nathan, c'est cet empowerment là en fait, c'est d'inviter des experts, des personnes qui ont le savoir, qui travaillent, qui sont à la fois parce que là ça sera une répit avec des sociologues, avec des anthropologues, des chercheurs, des personnes du monde de la science, et le but c'est vraiment d'approcher des personnes experts sur le sujet et de les faire dialoguer avec un public qui n'est pas forcément expert, qui s'interroge, qui vient pour s'informer. Et le but, c'est de transmettre des choses, des données, un savoir, tout simplement. Je rajouterais une petite chose par-dessus tout ça. Je dirais que les répits, de manière générale, rentrent dans la stratégie d'ACT UP depuis le début de ses créations, qui pour moi repose sur deux piliers principaux, qui est de considérer le sida comme une épidémie politique. Et du coup, avec une réponse politique qu'il faut faire à l'épidémie de sida. Bien sûr. Et aussi, du coup, cette notion d'information égale savoir, qui est le savoir n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Mais évidemment, certaines personnes ont le temps, la possibilité de pouvoir l'accumuler. Mais du coup, il faut avoir la capacité de pouvoir le retransmettre. Et je pense que ça, c'est vraiment pour moi, c'est les deux points centraux d'ACT UP Paris. C'est là-dessus que presque se basent toutes nos actions. C'est de retransmettre un savoir que nous on accumule à des personnes qui sont pas forcément de la lutte ou qui sont voilà d'un peu partout et que ce savoir est politique et que la réponse ne peut être que politique et ne peut être que collective face à l'épidémie de VIH actuellement. Oui, parce que c'est une réelle prise de conscience. Et vous parlez du sida comme une épidémie politique. Pourquoi politique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que bon, est-ce que, enfin, pourquoi politique finalement ? En quoi ces gens sont responsables ? C'est une question qui revient assez souvent. Moi, je dirais que c'est pas une question de responsabilité. Il y a une question de responsabilité évidemment dans l'épidémie de sida, mais c'est pas pour moi l'épidémie est une quand on dit que le sida est une épidémie politique, c'est pas la politique, c'est pas les politiciens, enfin, on s'en tape un peu de cela, c'est le politique, c'est une épidémie qui est sociétale, c'est une épidémie qui stigmatise et touche des populations qui sont déjà marginalisées, qui sont déjà oppressées par une société homophobe, sexiste, transphobe, putophobe, etc. Et on sait aujourd'hui très bien que la répression fait le lit des contaminations et il est hyper important que notre réponse soit forcément globale. Et c'est toute la problématique du sida aujourd'hui, c'est on ne peut pas juste travailler sur cette notion de dire il faut du dépistage par exemple. Oui, c'est important d'avoir du dépistage. Mais si on a juste du dépistage dans une société qui est homophobe, ça marche pas. Et on a des exemples très concrets là-dessus. Alors, je prends toujours l'exemple de la Russie, mais parce qu'il est tellement parlant que c'est difficile de faire autrement. La Russie est un des pays occidental, entre guillemets, connaît aujourd'hui une des plus grosses hausses de contamination au VIH, en particulier depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, en particulier depuis les lois répressives sur les questions de l'homosexualité, sur les questions des consommateurs de drogue, etc., etc. On estime aujourd'hui, par exemple, les consommateurs de produits, 80% des consommateurs de produits seraient porteurs du VIH en Russie. C'est les chiffres qu'on avait, nous, dans les 91-92, avant les politiques de mise en place de réduction des risques. Donc, et tout ça, c'est de la répression. Du coup, la réponse à l'épidémie de sida, elle est forcément politique, elle ne peut pas être que biologique, parce que si elle était que biologique, en fait, on aurait déjà éradiqué le sida, parce qu'on a toutes les réponses biologiques pour éradiquer le sida aujourd'hui, avec les traitements, avec la PrEP, avec le TPE, etc., etc. Et on voit très bien que ça ne suffit pas. Donc, elle est politique, et soyons honnêtes, elle est aussi financière, le fric économique. Est malheureusement le nerf de la guerre. Et un des grands slogans d'ACT UP qui était de dire le Nord compte ses sous, le Sud compte ses mortes. Je pense qu'on est malheureusement aujourd'hui dans toujours les mêmes situations. Et toi, Nathan, toi qui es membre du Stras, vous serez présent à cette manifestation? Est-ce que... Oui, on sera présent, t'es présent. Ça nous fera très plaisir de se manifester et de montrer qu'on peut se battre pour toutes les causes, parce qu'on est aussi directement affecté par ces dernières. Et donc, je pense que c'est important de, encore une fois, montrer un front uni. Est-ce que finalement, la réponse face au sida, c'est une union de tous, c'est un travail ensemble, en quelque sorte, ou est-ce que c'est plus une réponse individuelle qu'il faudrait apporter? Comment vous voyez, vous, la lutte contre cette épidémie? J'ai envie de dire que c'est dans nos gènes, pratiquement, parce que quand on décortique le sigle d'ACT UP, c'est AIDS Coalition to Unleash Power. Donc c'est une coalition de personnes, de militants, de personnes de la société civile, qui à un moment donné sont touchées, se sentent intéressées par la problématique, et se lient ensemble pour militer, pour exiger de nouveaux droits, pour faire avancer la lutte, pour faire avancer la recherche aussi. Et toutes et tous à nos positions, à nos envies, à nos façons de faire, on peut participer à cette lutte. Et du coup, politiquement, là, récemment, il y a eu une annonce qui a été faite par notre chère ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, sur le fait que seraient pris en charge certaines marques de préservatifs. C'est quoi votre avis là-dessus? Comment la nouvelle a été accueillie? Moi, je dirais globalement, pour moi, quand j'ai entendu Buzyn dire ce matin, du coup, sur France Inter, je crois que c'était, nous allons rembourser les préservatifs à hauteur de 60% de la marque Eden, que moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler avant qu'elle en parle, donc j'ai un peu peur de la qualité des préservatifs. Et d'ailleurs, je suis allé voir, je crois que c'est 5€ la boîte de 12, donc à mon avis, ça doit vraiment être de la merde. Je me suis dit, en fait, elle n'avait rien à dire. En fait, elle n'avait rien à annoncer, donc il fallait bien qu'elle dise quelque chose. Parce qu'en fait, c'est même pas elle qui fait ça. Il faut savoir que, globalement, quand il y a un remboursement qui est mis en place, c'est une autre autorité de santé qui s'appelle la HAS, Haute Autorité de Santé, du coup, et qui décide ou pas de qu'il y ait un remboursement ou pas. Le ministère de la Santé, dans ces questions-là, en fait, à part faire de la coup de com' et de l'annonce, n'a strictement aucun mainmise sur la question. Par contre, elle a des mainmises sur autre chose, et ça, par contre, là-dessus, on n'a rien eu du tout. Donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'elle est venue ce matin en se disant « Bon, c'est bientôt le 1er décembre, il va falloir quand même que j'annonce quelque chose, donc j'ai annoncé ça. » On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Moi, j'ai bien envie de lui dire qu'elle aurait mieux fait de se taire. On attend des choses. Il y a des choses qu'elle peut faire, par contre, qu'elle n'a toujours pas fait. À quand la démédicalisation du dépistage? Donc, démédicalisation, c'est globalement arrêter de devoir aller chez le médecin pour prendre une ordonnance, aller directement dans un laboratoire privé pour avoir un test du VIH qui soit remboursé et pris en charge. Parce que parler avec son médecin de sa sexualité, quand on fait partie de la communauté LGBT, quand on est pute, quand on est drogué, de parler de ses consommations, mais franchement, c'est pas simple tous les jours. Pour autant, plus que votre médecin soit votre médecin de famille, qui soigne mamie, je vous dis que c'est encore plus compliqué. Parce que pour rappel, aujourd'hui, il y a des centres qu'on appelle des CEGID, qui sont tout simplement des centres de dépistage. Mmh. On peut parler de sexualité, on peut faire tout ça. Il y a des centres de dépistage aussi, notamment par le biais des mairies, des départements. Le CEGID dépend des départements, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Certains. Mais dans certains endroits, il est assez compliqué d'accéder à ces structures. C'est des structures qui sont gratuites, anonymes, normalement. Mmh. Ce n'est pas le cas de toutes. Mmh. Mais du coup, il y a des personnes aujourd'hui qui, pour faire un dépistage, vont passer par des laboratoires privés. Et pour ce faire, il faut d'abord une ordonnance. Et du coup, quand on se pointe en laboratoire, si on n'a pas d'ordonnance, il faut payer tout le dépistage. Un dépistage, c'est à hauteur d'à peu près 180€. Donc c'est un coût qui est quand même assez élevé. Si on n'a pas les moyens d'aller voir le médecin ou d'avancer ces 180€ et que le dépistage est assez urgent, on se retrouve à faire la queue aux urgences pendant plusieurs heures pour avoir un TPE ou des trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas tout à fait logique finalement. Il y a toujours un besoin du médical sur un renseignement qu'on pourrait avoir nous-mêmes, quoi, finalement. Il y a eu une... Il y a plusieurs autres dispositifs qui existent. Déjà, dans le Cégide, il y a une problématique, à Paris en particulier, hein, on a une saturation absolue des Cégides. Pour avoir un rendez-vous, pour se faire dépister, tu peux en avoir pour 3 semaines, 1 mois. C'est long, 3 semaines, 1 mois, quand tu te dis que tu as pris un risque et que peut-être que tu es infecté, c'est vraiment très long. Après, il y a d'autres systèmes quand même qui existent. Bon, l'autotest qui est en vente en pharmacie, qui était très cher jusqu'ici, 20-30 euros. Là, on commence à avoir vraiment descendu les prix. On est à 10 euros. Ça reste 10 euros, mais c'est déjà moins cher que 180. Et après, il y a aussi tous les trottes communautaires, donc les trottes tests rapides d'orientation et de diagnostic, qui sont faits dans les associations communautaires comme AIDE, par exemple, comme Acceptes aussi, où du coup, vous êtes accueilli pas par un professionnel de santé, mais souvent par un père, ce qui permet quand même d'être beaucoup plus relax sur sa sexualité, ses consommations, etc., etc. Et de pouvoir avoir un résultat en plus immédiat. Voilà, faut pas les oublier, ils existent aussi. Je pense que c'est important de le rappeler. Après, je pense qu'il faut donner aussi deux chiffres importants, parce que c'est souvent le réglementaire qui bloque les dépistages et l'accès au dépistage. Aujourd'hui, à Londres, on fait 4000 dépistages par mois. Donc c'est un chiffre assez conséquent. Tandis qu'à Paris, on fait 6000 dépistages par an. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un sérieux problème. Et c'est un chiffre qui est annoncé depuis quelques années, d'ailleurs, au sein d'ACT UP. Et on voit bien la différence de traitement, la différence de prise en charge du dépistage entre deux pays qui ne sont pas si loin que ça. Et on voit bien que c'est toujours le réglementaire qui bloque l'accès au dépistage, qui encadre. Et là, on parlait tout à l'heure de pouvoir faire ces dépistages dans les laboratoires de ville. Et aujourd'hui, ce qui bloque, c'est le réglementaire. Et encore nous, à Paris, on est quand même assez bien lotis, si je puis dire. Oui. Alors que bon, c'est carrément la merde. Mais il y a des gens, faut penser aussi, notamment en province, où il peut être très compliqué d'avoir accès à un Cégide. Parfois, il y a une permanence dans la semaine, le mercredi matin ou le jeudi matin, et une personne qui travaille sur ces heures-là ou qui est en cours sur ces heures-là, pour accéder au Cégide, c'est compliqué. Va falloir prendre rendez-vous, un rendez-vous qui peut arriver des fois très longtemps après, des fois trop tard. Et c'est vrai que ça pose une réelle question, parce que finalement, on a accès à ces laboratoires d'analyse médicale qui sont en capacité de faire tout le... Enfin, on va dire tout le check-up complet, j'aime pas employer ce mot-là, mais parler... pas uniquement un test sanguin, mais aussi au niveau de la gorge, donc un test salivaire, un test d'urine, un test au niveau de la zone anale. C'est des tests dont on ne parle pas, et quelqu'un qui va arriver en laboratoire, même si il veut faire un test par lui-même, il faut déjà qu'il soit au courant que ces tests-là existent, à quoi ils servent. Enfin, il y a tout ça, et pour en parler avec son médecin, parce qu'il y a des médecins, on leur demande un dépistage, ils vont vous donner une ordonnance pour un bilan sanguin, et puis ça va s'arrêter là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'information, en plus du problème d'accès, que ce soit auprès des jeunes ou même des personnes actives, même des seniors, hein, parce qu'on ne parle pas de la sexualité des seniors, mais ils ont aussi une sexualité, elle reste très taboue, mais elle est là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi vraiment un problème d'information sur ce qu'est un dépistage et à quoi ça sert? Je pense qu'il y a deux choses. Alors, en effet, c'est bien d'évoquer les seniors et la question des jeunes, parce que du coup, c'est les communautés dans lesquelles les contaminations VIH augmentent le plus. On parle beaucoup du VIH depuis le début. Si on parle des autres IST, gonorrhée, chlamydia, syphilis, etc., autres GST, on a une augmentation, voire une explosion, en fait, du nombre de contaminations ces dernières années. Donc, du coup, en effet, il y a une vraie problématique actuellement. Je pense que la réponse, on la connaît, on sait comment on doit la faire. Malheureusement, elle ne nous appartient pas. Et on doit attendre. Alors attendre, on peut attendre calmement, on peut attendre pas calmement. Et moi, je pense qu'il faut arrêter d'être calme. Et ensuite, pouvoir développer l'offre. Développer une offre de soins, tout simplement, qui soit compétente, quoi. C'est ça. Avec un accueil inclusif et non jugeant. Bah écoutez, en tout cas, on va peut-être clôturer cette émission, peut-être sur un mot de la fin. Moi, j'aime bien laisser un dernier instant de parole, un instant sincère, un instant plein d'amour ou pas d'ailleurs. Robin, t'as quelqu'un à qui t'as envie de dire quelque chose? Petit mot pour Madame Buzyn, je pense que la prochaine fois, ferme ta gueule. Marc-Antoine, toi, t'as quelque chose à dire? Alors moi, ça sera un joli mot adressé à Anne Hidalgo. On veut une étagère pour les archives LGBT. Merci. Et Nathan? Moi, ce sera pour Madame Hidalgo également. On va tous s'attaquer aujourd'hui. Hidalgo, proxénète, touche pas à ma camionnette. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je crois qu'il faut quand même saluer Robinson, Iman, qui n'était pas là. Je pense que c'est bien aussi de rappeler. Et puis, nos chers collectifs de techniciens qui font plein de choses. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on souhaite qu'on développe une multitude de possibles pour les thèses, pour la prévention, etc. Je crois que c'est aussi l'enjeu aujourd'hui. Si on ne peut pas s'arrêter à attendre, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là ce soir. Je remercie Alexis et... merde, j'ai oublié son nom. C'est Joe. Alexis et Joe. J'allais dire Robinson, mais pas du tout. Alexis et Joe qui étaient à la technique ce soir et qui ont fait un boulot remarquable. N'oubliez pas que vous pourrez nous retrouver dès demain en podcast sur notre page Facebook, donc au fond près du radiateur. Également vendredi matin à 7h sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM au fond près du radiateur. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À la semaine prochaine. Should have been 1, 2, 3, but recently something has happened to me. Everything always came easily, but today I woke up and felt nothing. Could I be finally finding out that there's absolutely nothing worth shouting about? Faced with the choice of just losing my voice, I'd rather shut up and say nothing. On the outside, we have to stick together. On the downside, you just get in the way. I see grayer skies, and I feel a little better. I see grayer skies ahead, and it's fine by me. Oh, all the right people seem squeaky clean, while all the right people mean nothing to me. Cheating and creeping just to stay on track, they'll offer one hand to put a knife in your back. You notice that something is terribly wrong when they offer the world, then they turn and they're gone. They knew from the start you could never belong. You came from the outside, you'll stay on the outside. track. All for one hand and put a knife in your back. Notice that something is terribly wrong. When they offer the world, when they turn and they're gone. Then you from the start, you could never belong. You came from the outside, you'll stay on the outside. Live from the outside, welcome aboard. What happened to offer nothing at all? This is just entertainment, so make no mistake. If you're looking for answers, you look the wrong way. If you're asking for answers, you're in the wrong place. There's absolutely nothing worth trying to say. Just watch where you're walking, who's in your way. Stand up for the outside, stay on the outside.